Chapitre 10e. Lorsque Louis Richard entra dans la chambre occupée par Mariette et par sa marraine, il s'arrêta un moment au seuil de la porte. Son cœur se brisait à la vue douloureuse du tableau qui s'offrait à ses regards. La jeune fille, couchée tout habillée sur un matelas étendu à terre, semblait inanimée. Ses traits, couverts d'une pâleur mortelle, tressaillaient convulsivement de temps à autre. Ses yeux étaient clos. Des traces de larmes séchées se voyaient sur ses joues marbrées. Dans l'une de ses deux mains crispées et croisées sur sa poitrine, elle tenait l'enveloppe où étaient réunis les débris de la lettre de Louis. Madame Lacombe, dont la physionomie était ordinairement chagrine et sardonique, paraissait en proie à une douleur touchante. Agenouillée près du matelas où gisait sa filleule, elle soutenait du bout de son bras mutilé la tête appesantie de Mariette et essayait, de son autre main, de lui faire boire un verre d'eau. Madame Lacombe retourna vivement la tête, et ses traits reprirent leur expression de dureté habituelle à l'aspect de Louis immobile à la porte. « Que voulez-vous » dit-elle brusquement. « Pourquoi entrez-vous ici sans frapper? Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous » « Oh mon Dieu !» s'écria Louis. « Dans quel état je la retrouve ?» Et sans répondre aux questions de Madame Lacombe, il s'approcha vivement du matelas, s'agenouilla et s'écria. « Mariette, qu'avez-vous? Répondez-moi. » Madame Lacombe, d'abord aussi surprise qu'irritée de l'apparition du jeune homme, le regarda avec une attention farouche, réfléchit un moment et dit d'une voix courroucée. « Vous êtes Louis Richard ?»« Oui, madame. » »« Mais au nom du ciel, qu'est-il arrivé à Mariette ?»« Il lui est arrivé que vous me l'avez tuée. »« Moi, grand Dieu ? » ?»« Et quand elle sera morte, c'est vous qui me nourrirez, n'est-ce pas ? » ?»« Malheureux que vous êtes. » »« Morte, Mariette ?» « C'est impossible. Mais, madame, il faut courir chercher un médecin, faire quelque chose. Ses mains sont glacées. Mariette, Mariette, mon Dieu, elle ne m'entend pas. Voilà comme elle est, depuis cette nuit, et c'est votre lettre, mauvais garnement, qui a causé ce malheur. Ma lettre? Quelle lettre? Oui, vous allez nier, mentir, maintenant, mais hier soir, le désespoir l'étouffait, cette pauvre petite, le cœur lui a crevé, et qu'elle m'a tout avoué. Mais, mon Dieu, que vous êtes-elle avouée? Que vous ne vouliez plus la revoir, et que vous la plantiez là pour une autre. Voilà les hommes. Mais au contraire, j'écris à Mariette, vous mentez, s'écria la vieille infirme de plus en plus irritée. Je vous dis qu'elle a votre lettre, c'est ce chiffon de papier qu'elle tient entre ses doigts. Je n'ai pas pu le lui retirer des mains. Depuis qu'elle s'est trouvée mal, a-t-elle assez pleuré là-dessus, mon Dieu? Allez-vous-en, garnement. Mariette a été bien bête, et moi aussi, de refuser ce qu'on nous offrait. Et pourtant, je lui avais dit, nous sommes honnêtes, tu verras comme ça nous servira. Ça n'a pas manqué, elle se meurt, et me voilà sur le pavé, sans feu ni lieu, sans pain ni rien, car nous devons un terme, et on va tout prendre. Heureusement, ajouta cette malheureuse avec un sourire sinistre, heureusement il me reste un quart de boisseau de charbon. Et le charbon, c'est la délivrance du pauvre monde. Mais c'est horrible, s'écria Louis, ne pouvant retenir ses larmes. « Mais je vous le jure, madame, nous sommes victimes d'une erreur désolante. Mariette, Mariette, revenez à vous, c'est moi, moi, Louis. »« Vous voulez donc me la tuer tout de suite ?» s'écria madame Lacombe, en faisant un effort désespéré pour repousser le jeune homme loin du matelas. « Si elle reprend connaissance, votre vue va l'achever. »« Soyez béni, mon Dieu, » dit Louis en résistant à madame Lacombe et se penchant vers Mariette. « Elle a fait un mouvement. » Voyez, ses mains se desserrent, sa tête se soulève, ses yeux s'ouvrent. Mariette, m'entendez-vous? C'est moi. En effet, la jeune fille revenait peu à peu à elle. Sa tête, languissamment penchée, se releva. Ses yeux rougis par les larmes, après avoir erré un moment dans le vide, s'arrêtèrent sur Louis. Bientôt la surprise, la joie se peignirent dans son regard, et elle murmura d'une voix faible. Louis, c'est vous. Oh, je n'espérais plus. » Puis la triste réalité se présentant sans doute à sa pensée, elle détourna la vue, laissa retomber sa tête sur le sein de Madame Lacombe, qui la soutenait entre ses bras et lui dit en gémissant. « Ah, ma reine, il vient pour la dernière fois. Tout est fini. Quand je vous le disais, moi, que vous alliez l'achever, » s'écria Madame Lacombe exaspérée. « Mais sortez donc d'ici. Oh, être faible, infirme, et n'avoir pas la force de mettre ce gueulard dehors. Il veut me la tuer, m'ôter mon pain. Mariette, s'écria Louis d'une voix suppliante, de grâce, écoutez-moi. Je ne viens pas pour vous faire mes adieux, je viens au contraire vous dire que je vous aime plus que jamais. Grand Dieu, reprit la jeune fille en se redressant vivement sur son séant, comme si elle eût ressenti une secousse électrique, que dit-il? Je dis, Mariette, que nous sommes victimes d'une erreur. Je n'ai jamais un moment cessé de vous aimer, non, jamais. Et pendant mon absence, je n'avais qu'un désir, qu'une pensée, vous revoir et convenir avec vous de tout ce qui était relatif à notre mariage, ainsi que je vous le disais dans ma lettre. Votre lettre? S'écria Mariette avec un accent navrant. Oh mon Dieu, il ne se la rappelle seulement plus maintenant. Tenez, Louis, la voici, votre lettre. Et elle remit au jeune homme les débris de papier sur lesquels s'apercevait encore la trace des larmes de la malheureuse enfant. Tu vas voir, reprit amèrement Madame Lacombe, pendant que Louis rassemblait à la hâte les morceaux de papier lacérés. Tu vas voir, à cette heure, il va renier son écriture. Et tu seras assez bête pour le croire, n'est-ce pas? Voilà ce que je vous écrivais, Mariette, reprit Louis en lisant à mesure qu'il rajustait les débris côte à côte les uns des autres. Ma bonne et chère Mariette, je serai auprès de vous le lendemain du jour où vous recevrez cette lettre. Ma courte absence dont j'ai tant souffert m'a prouvé qu'il m'est impossible de vivre loin de vous. Grâce à Dieu, le jour de notre union est proche. C'est demain, le 6 mai, selon nos conventions. Dès mon retour, je parlerai à mon père de notre résolution. Je ne doute pas de son consentement. Adieu donc et à après-demain, ma bien-aimée Mariette. Je vous aime comme un fou, plutôt comme un sage, car la sagesse est d'avoir cherché et trouvé le bonheur dans un cœur tel que le vôtre. À vous pour la vie, Louis. Je vous écris ce peu de mots parce que je serai à Paris presque en même temps que ma lettre. Et puis enfin, il m'est toujours pénible de penser qu'un autre que vous lit ce que je vous écris. Sans cela, que de choses j'aurai à vous dire, à vous et pour toujours à vous. Mariette avait écouté cette lecture avec une telle stupeur qu'elle n'avait pu prononcer une parole. « Voilà, Mariette, reprit Louis, voilà ce que je vous avais écrit. Comment se fait-il, mon Dieu, que cette lettre vous ait désespéré? Quoi, monsieur Louis, il y avait cela sur votre lettre? Tenez, madame, voyez plutôt, dit Louis à madame Lacombe en lui présentant les morceaux lacérés. « Est-ce que je sais lire, moi ? » répondit-elle brusquement. « Mais comment se fait-il qu'on ait lu à Mariette tout le contraire de ce que vous lui écriviez ?»« Mariette ? » s'écria Louis. « Qui vous a donc lu ma lettre ?»« L'écrivain public, » répondit la jeune fille. « Un écrivain public ? » s'écria Louis, frappé d'une idée subite. « Oh, de grâce, Mariette, expliquez-vous. »« Mon Dieu, monsieur Louis, c'est bien simple. J'étais allé chez un écrivain public au Charnier des Innocents pour lui dicter une lettre pour vous. » Il l'a écrite et, même au moment d'y mettre votre adresse à Dreux, il a renversé son encrier dessus et a été obligé de la recommencer. En revenant ici, j'ai trouvé votre petit mot. N'ayant personne à qui le faire lire en l'absence d'Augustine, je suis retourné chez l'écrivain public, un vieillard bien respectable et rempli de bonté. Je l'ai prié de me lire ce que vous m'écriviez. Il me l'a lu et, selon lui, il y avait, dans votre lettre, qu'il ne fallait plus nous revoir, qu'il s'agissait pour vous de l'avenir de votre père et du vôtre, et qu'enfin vous me suppliez de... » La pauvre enfant ne put achever, elle se mit à fondre en larmes. Louis comprit ou devina tout, depuis le hasard qui avait conduit Mariette chez son père, jusqu'au stratagème de l'encrier renversé sur la lettre, alors que l'adresse seule restait à inscrire. Adresse, qui éclairant sans doute le vieillard, lui avait donné la pensée d'écrire une seconde lettre dans un sens tout opposé à celui de la première et de l'envoyer non pas à Dreux, mais à Paris, afin que Louis la trouvât dès son arrivée. Il comprit enfin que son père avait aussi improvisé la lecture d'une lettre de rupture lorsque Mariette était retournée près de lui pour la seconde fois. En apprenant ainsi l'affligeant abus de confiance dont son père s'était rendu coupable dans un but trop évident, Louis, accablé de douleur et de honte, n'osa pas avouer à la jeune fille quel lien l'attachait à l'écrivain public. Mais désirant donner à Mariette et à sa marraine une explication plausible de cette tromperie, il leur dit « Voilà, sans doute, ce qui sera arrivé. Cet écrivain public aura, malgré son apparente bonhomie, voulu faire une méchante et triste plaisanterie, ma pauvre Mariette. Il vous aura lu tout le contraire de ce que je vous écrivais. Oh, ce serait indigne ! Dit la jeune fille en joignant les mains. Quelle fausseté de la part de ce vieillard! Il avait l'air si bon en me parlant de l'intérêt que lui inspiraient les pauvres créatures qui, comme moi, ne savent ni lire ni écrire. Que voulez-vous? Il vous a trompé, Mariette, cela est certain. Mais la lettre que je lui ai dictée pour qu'elle vous parvint à Dreux, Elle sera arrivée dans cette ville lorsque je l'aurai eu quittée, répondit le jeune homme, en cachant à Mariette que la veille cette lettre lui avait été remise à Paris. Mais que nous importe ? Ajouta Louis, désirant terminer un entretien si pénible pour lui. Ne sommes-nous pas à cette heure assurés sur nos sentiments, Mariette, et... Un instant, dit Madame Lacombe, qui était restée pendant quelques instants pensive. Un instant, vous êtes rassurée, vous deux, mais moi non. Comment, madame ? Que voulez-vous dire, ma reine ? Je veux dire, reprit aigrement Madame Lacombe, que je ne veux pas de ce mariage-là. Madame, écoutez-moi. Il n'y a pas de madame. Puisque vous êtes fils d'un écrivain public, vous n'avez pas le sou, Mariette non plus, et deux misères qui se marient en balle trois. Ma fille m'a déjà sa charge, il ne lui manquerait plus que d'avoir des enfants. Beau ménage d'affamé que ça ferait là. Mais, ma reine, dit la jeune fille, laisse-moi tranquille, toi. Je vois bien le plan. On veut se marier pour se débarrasser de la vieille. Oui, oui. Tôt ou tard, on lui dira. Nous n'avons seulement pas assez de pain pour nous et pour nos enfants, et il nous faut encore te nourrir à rien faire. Va-t'en d'ici, la vieille, vis si tu veux, comme dit le proverbe. Et moi, une fois dans la rue, on m'arrêtera comme vagabonde, on me conduira au dépôt, et vous serez débarrassé de ma personne. Oui, oui, le voilà, votre plan. Oh, mon Dieu ! S'écria Mariette. Pouvez-vous croire cela ? Madame, se hâta de dire Louis, rassurez-vous. Aujourd'hui même, j'ai fait une découverte à laquelle j'étais loin de m'attendre. Mon père, pour des raisons que je dois respecter, m'avait jusqu'ici caché qu'il était riche, très riche. Mariette regarda Louis d'un air plus étonné que ravi de cette nouvelle inattendue. Puis elle dit à Madame Lacombe, « Vous le voyez, ma reine, vous n'aurez plus maintenant de ces craintes si navrantes pour moi. « Ha, ha, ha !» s'écria Madame Lacombe avec un éclat de rire sardonique. « Elle donne là-dedans, elle... »« Mais, ma marraine, tu ne vois pas qu'il invente ce mensonge-là pour que je consente à ton mariage ?»« Madame, je vous jure, je vous dis que tout ça, c'est des tromperies, moi !» s'écria Madame Lacombe. « Ou bien, si vous êtes riche, alors vous ne voudrez plus de Mariette. Allons donc, est-ce que le fils d'un homme riche est assez bête pour épouser une pauvre ouvrière qui ne sait ni lire ni écrire ?» Sans partager les doutes de sa marraine, Mariette, songeant à la nouvelle fortune de Louis, le regarda d'un air inquiet, attristé. Le jeune homme comprit la signification de ce regard et reprit « Vous vous trompez, Madame Lacombe. Le fils d'un homme riche tient la parole qu'il a donnée étant pauvre, puisque le bonheur de sa vie est attaché à cette parole. »« Bon, c'est des mots !» interrompit la malade d'un ton méfiant et bourru. « Que vous soyez riche ou pauvre, vous n'aurez pas Mariette, à moins de m'assurer de quoi vivre. Je ne demande pas beaucoup, 600 francs par an, mais il me les faut en argent avant le contrat et déposé chez un bon notaire. » « Ah, ma reine !» dit Mariette, ne pouvant retenir ses larmes. « Vous défiez ainsi de Louis ?»« Ah ben oui !» s'écria la malheureuse créature. « Et ils en ont de la confiance, et puis un beau jour, vous êtes volé. Je connais ça. Avant, on promettra tout ce qu'on voudra, et puis après, on aura de la vieille infirme par-dessus les bras. » Et on vous la fera fourrer au dépôt plus vite que ça. Seul, avec Mariette, je n'aurais pas craint d'être mise par elle sur le pavé. Je lui suis à charge, elle a assez de moi, c'est vrai. Mais elle est bonne petite fille, l'habitude est prise, et elle me craint. Tandis qu'une fois mariée, vous me ficheriez tous les deux à la porte sans rémission. Et où voulez-vous que j'aille, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Est-ce que c'est de ma faute si je me suis estropié dans mon état? Non. « Non, pas de mariage, ou 600 francs de rente pour moi, déposés chez un bon notaire, c'est mon idée. » Pendant que Madame Lacombe se livrait à ses récriminations amères, Louis et Mariette avaient échangé des regards tristement significatifs. La jeune fille semblait dire « Vous l'entendez, Louis? Avais-je tort de vous dire combien le malheur, qui s'est acharné sur elle durant toute sa vie, a aigri le caractère de ma marraine ?»« Pauvre enfant !» semblait répondre le jeune homme, que vous avez dû souffrir. Voir un dévouement aussi tendre, aussi sain que le vôtre, accueilli, compris, récompensé de la sorte. C'est le malheur qu'il faut accuser, non pas elle, Louis, elle a tant souffert, répondait le touchant regard de la jeune fille. Madame, reprit Louis lorsque la malade eut cessé de parler, vous pouvez être certaine que votre sort sera ce qu'il doit être. Mariette et moi n'oublierons jamais que vous l'avez recueillie, que vous avez été pour elle une seconde mère, et soit que vous consentiez à vivre auprès de nous, soit que vous préféreriez vivre seul, vous serez traité aussi dignement que vous devez l'être. Ah, merci, Louis, dit la jeune fille avec reconnaissance. Merci de partager ainsi ce que je ressens pour ma pauvre marraine, ma seconde mère. Et la jeune fille se pencha vers Madame Lacombe pour l'embrasser. Mais la malade, la repoussant, reprit avec un accent sardonique. « Tu ne vois pas qu'on se moque de nous ? T'épouser, me faire une pension, est-ce que ça s'est jamais vu ? Il veut m'amadouer, voilà tout. Et s'il est vraiment riche, veux-tu que je te dise ce qui t'arrivera, moi ? Il t'enjôlera, te lanternera, et un beau jour, tu apprendras sa noce avec une autre. Aussi, je lui défends de remettre les pieds ici. » « À moins, madame, que je ne me présente chez vous avec mon père et qu'il ne vienne vous demander la main de Mariette, en vous faisant connaître les avantages qu'il vous assure et à vous aussi. »« Oui, oui, » répondit la malade en se retournant vers la ruelle, car elle s'était remise sur son lit. « Quand nous vous reverrons pour nous proposer ces belles choses-là, ce sera la semaine des 4 jeudis. »« Ce sera demain, madame Lacombe, » répondit Louis. Puis, s'adressant à la jeune fille, « Adieu, Mariette, à demain donc, je viendrai avec mon père. » « Mon Dieu, Louis, il serait vrai ?» répondit-elle en serrant tendrement les mains du jeune homme entre les siennes. « Après tant de chagrin, le bonheur viendrait enfin, le bonheur pour toujours. »« Allez-vous bientôt finir ? Vous me rompez la tête avec votre bonheur !» s'écria aigrement la malade. « Laissez-moi donc en repos, et toi, Mariette, ne bouge pas de là. Tu meurs d'envie d'accompagner ce menteur-là dans l'escalier, mais j'ai dit non, c'est non. » Louis et Mariette échangèrent un dernier regard, et le jeune homme dit tout bas, « À demain, Mariette, ma bien-aimée, ma femme. »« Va-t-il décaniller à la fin ?» s'écria la malade. Louis quitta la chambre. Mariette revint lentement s'asseoir auprès du lit de sa marraine. Peu d'instants après cette scène, le jeune homme se rendait en hâte à l'échoppe de son père, où il espérait le rencontrer, mais il trouva l'échoppe fermée, s'informa de M. Richard, et il apprit qu'il n'avait pas paru ce jour-là au charnier des innocents. Étonné de ce dérangement si grave dans les habitudes régulières du vieillard, Louis courut alors à la rue de Grenelle, leur commun logis.